L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Bonsoir à tous mes petits loups, vous êtes sur Osmose Radio. Quelle bonne idée, il est 19h passé de quelques minutes et vous êtes dans l'heure du loup. Ce soir exceptionnellement pas pour une playlist rock et new wave comme à l'accoutumée, mais on parlera quand même de sujets un petit peu sombres, notamment à l'occasion d'un événement intéressant qui aura lieu à Avignon bientôt, la marche des morts vivants, et je reçois ce soir les organisateurs de cet événement. Et pour nous mettre dans l'ambiance, j'ai envie de dire, on va écouter un morceau de métal qui convient bien, Wednesday Sitting, avec le titre I Walk With A Zombie. C'est le thème ce soir, hein, faut pas vous affoler. Avec ce titre de Wednesday 13, ce groupe de horror metal que j'aime bien, I Walk With A Zombie, c'était extrait d'un album qui s'avait sorti il y a 3 ou 4 ans. Je reçois ce soir, vous disais-je tout à l'heure, deux Avignonnais qui organisent un événement assez intéressant, une première, me semble-t-il, sur la cité papale, puisqu'elle sera d'ici la fin du mois, à l'occasion donc de la Toussaint, de Halloween, etc. Elle sera livrée à l'horreur des morts vivants partout dans les rues, donc faites attention quand vous sortez, mais pour le moment vous êtes encore un petit peu en sécurité. En tous les cas, vous êtes plus concerné par les problèmes climatiques que par les problèmes de zombies, mais ce ne sera pas le cas le 1er novembre. Et Loïc et Alex vont nous expliquer pourquoi. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors Loïc, tu es avec Alexandre l'organisateur de cette marche des zombies, enfin on va le dire en anglais, Zombie Walk, qui aurait dû avoir lieu l'an dernier, ça n'a pas été le cas finalement. C'est exact. L'an dernier, l'ancien organisateur a rencontré quelques problèmes en montant le dossier. Donc l'événement a été annulé et nous avons pris par la suite donc, l'événement, mais pour cette année. Et pour cette année, zombies, donc on pense à problèmes sanitaires, est-ce qu'on vous a ennuyé avec l'Ebola au niveau de l'administration? Je vais laisser... Non, je crois pas. Je les ai grillés là. Non, pas à notre connaissance. Je veux dire, on a toujours été en droit, on a fait les dossiers exprès, donc on est allé voir la mairie, tout ce qui s'en suivait. On avait averti la police, on a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir rester dans les règles de l'art sans pour autant qu'il y ait des débordements. Non mais je vous charrie, mais c'est clair que j'imagine à quel point ça doit être compliqué d'organiser un événement qui déjà sort un petit peu du lot au niveau culturel, parce que forcément c'est un sujet, le cinéma de genre, ce genre de littérature qui se décline en série télé, en film, on aura l'occasion d'y revenir, peut tout simplement effrayer les bonnes gens. Et en plus, oui, ne serait-ce qu'organiser un événement qui prend place dans l'espace public, c'est toujours un dossier assez compliqué à édifier, je veux bien vous croire. Alors Loïc et Alexandre, vous êtes parmi les organisateurs de cette Zombie Walk, vous n'êtes pas tout seul bien entendu, il y aura un encadrement assez large de bénévoles. Alors à l'origine, donc, nous sommes quatre organisateurs, donc il y a Alexandre et moi-même, nous avons un ami qu'on a surnommé Ditré le Renard et une amie qui s'appelle Demetra. D'accord, donc vous êtes quatre au noyau de l'organisation et autour de vous il y a pas mal de collègues en fait qui gravitent, qui bénévolement vont vous aider ce jour-là. Bah oui, tout à fait, c'est des amis, des membres de la famille, cousins, voilà, qui vient nous donner un coup de main, voilà, pour essayer, voilà, pour encadrer et de manière à ce que tout ça se passe dans la joie et la bonne humeur. Donc quelques champions de catch, gardiens à Carrefour, etc. Vous m'avez dit, pour éviter les débordements. Ça, faut pas le dire, attention. Non, mais je le dis à l'attention des éventuels emmerdeurs qui nous écoutent, qui prévoiraient de venir gâcher l'événement. Alors oui, donc la marche des zombies, bah, ce sera tout simplement, alors évidemment... C'est sûr qu'avec les 2-3 serial killers qu'on a dans la bande, ouais. Attention. Ah oui, en plus, ah ben d'accord, le loup est dans la bergerie, là, pour faire un clin d'œil au nom de l'émission. Alors, vous êtes organisé comment pour organiser cet événement? Disons que vous êtes structuré comment? Parce que vous m'avez dit que vous n'avez pas vraiment un statut d'association, c'est plutôt un groupe, c'est un collectif en fait. C'est bien ça, pour l'instant c'est plus un collectif sur Facebook auquel on a atteint bientôt les 320 personnes. Et on était à l'origine d'une ancienne team qu'on appelait la TCA, la Team Cosplay d'Avignon, qui avait fait un gros événement sur Avignon, l'événement cosplay. Qui malheureusement, ça a mal tourné entre temps, donc la team s'est dissoute. Nous, on a trouvé ça dommage d'ailleurs, parce qu'on avait trouvé qu'on passait de bons moments ensemble, et nous avons créé donc la LGDP. Donc je répète pour ceux qui n'ont pas très bien entendu, la LGDP. Rien à voir avec l'association homosexuelle. Ouais, voilà, c'est pour ça qu'il précise. La LGDP, donc, ce qui signifie la Guilde des Passionnés, qui rassemble donc tous les cosplayers. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un cosplayer, un cosplayer est une personne qui va se déguiser en personnage de dessin animé japonais, donc entre autres ce qu'on appelle des mangas, voilà. Ou de dessin animé de tous les jours, ou de jeux vidéo. Voilà, il va se dessiner d'un idole virtuel, voilà, entre autres, surtout un personnage fictif. On aura l'occasion de revenir, vous en faites pas chers amis, on aura l'occasion de revenir à d'expliciter tous ces termes un petit peu parfois obscurs, hein, tout ce qui est cosplay, tout ce qui est guild, etc. Et un dernier aspect qui m'a intrigué par rapport à l'événement que vous organisez, donc cette marche des morts vivants, rue de la République et ailleurs, c'est d'organiser ça, non pas le 31 octobre pour Halloween, mais le 1er novembre, qui est la Toussaint, le jour des morts. Je me suis dit, là, forcément, ils ont eu des râleurs, des emmerdeurs qui leur ont reproché de faire ça justement le jour des morts. Ou alors, en même temps, c'est peut-être un clin d'œil, c'est assez malicieux de leur part de faire ça justement le jour des morts pour faire marcher les morts vivants. Bah écoutez, c'est vrai que en toute franchise, on a eu 2-3 emmerdeurs, hein, on va pas s'en cacher entre nous quand même. Des petits qui nous ont dit, enfin je dis petits pour rester poli, qui nous ont dit oui, mais bon, vous savez, les zombies, machin, Dieu. Alors moi je lui ai dit, vous êtes gentil, mais le 1er novembre, si on aurait vraiment voulu, on n'aurait pas fait. Maintenant, nous ça nous arrange le 1er novembre parce que toutes les personnes qui sont avec nous ne travaillent pas. Oui, tout simplement, c'est férié, donc vous voilà. Aurez, donc tout on monde sait que disponible. Tout le monde pourra être là. Après, le 31 octobre, on se voit mal aller toquer chez les gens pour demander des bonbons. Vous savez, on a un peu passé l'âge. Tant plus que vous êtes papa, donc personnellement, c'est plutôt oui, à vous de fournir les bonbons maintenant. En ce qui me concerne, je suis papa de 2 petits-enfants. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose, après cette entrée en matière qu'on aura l'occasion d'expliciter un petit peu, on va faire une première pause musicale avec un style musical qui convient tout à fait à ce genre de sujet, les zombies, avec le Psychobilly, donc qui mélange le son du rockabilly des années 50 avec des aspects du cinéma gore et du cinéma de genre, horreur, zombie, ghoul, cimetière, etc. Et je vous propose un morceau instrumental de The Medium, c'est avec le titre Flashing Zombie. toujours dans l'heure du loup, chers amis, avec ce titre de The Mediums, Flashing Zombie. The Mediums, c'est un groupe psychobilly français qui est pas très très connu, mais qui est vraiment intéressant, qui avait sorti cet album, je crois que c'était il y a 10-12 ans, un album qui s'appelait Laudanum and Psychopomp, et on vient d'en écouter un extrait, Flashing Zombie. Pourquoi ce titre en particulier? Parce que le zombie, c'est le thème de ce soir, et je suis toujours en présence de Loïc et Alexandre, hein, qui essaient d'avoir l'air, qui ont l'air d'ailleurs de gentils garçons polis, bien élevés, etc. Mais moi, je sais que sous le vernis se cachent deux geeks infâmes et complètement obsessionnels qui sont obnubilés par le cinéma. Attention, de genre, faut les faut jeux vidéo. Faut pas tout dévoiler. Attention, mais faut pas le faire. Vos enfants écoutent pas la radio, ils sont trop petits pour le moment, donc je peux dire ce que je veux. Et quoi qu'il en soit, donc on va continuer. On a passé un petit peu de manière superficielle donc sur l'événement, sur le statut de votre association et sur vos goûts en particulier, messieurs. Mais là, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Avec l'association dont... Enfin, c'est pas vraiment une association, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que vous n'avez pas les statuts loi 1901. Vous êtes plutôt un collectif d'amis et de passionnés. La Guilde des Passionnés, vous portez bien votre nom. Alors, quand on pense à guilde, vu que c'était un peu quelque chose qui nous renvoie à l'Ancien Régime, etc., au Moyen-Âge, quand on parle de ça, la guilde aujourd'hui, on pense plutôt, évidemment, à tout ce qui est médiéval fantastique, la guilde des voleurs chez Tolkien, ou des choses comme oui, ça. Oui, vous, comment ça vous est venu, en fait? Alors, en fait, au départ, donc, comme j'avais expliqué tout à l'heure, pour ceux qui sont pas là, donc je vais faire un petit résumé, il y existait la TCA, donc la Team Cosplay d'Avignon. Vu qu'elle avait chuté, donc nous on a repris derrière, vu qu'on trouvait ça dommage pour elle, on a recréé donc la guilde et on cherchait un nom. On a vu qu'on aime bien tout ce qui est l'univers japonais, donc les dessins animés entre autres, il y a un manga, donc un dessin animé japonais qui s'appelle Fairy Tail. Et Fairy Tail, en fait, si vous voulez, c'est plusieurs groupes de personnes qui ont créé ce qu'on appelle des guildes. Donc on voilà, s'est dit, pourquoi pas, est-ce qu'on s'appellerait la guilde? Parce que Fairy Tail, c'est le nom de la guilde. D'accord, en fait, ça signifie conte de fées en anglais, mais ouais. Dans le dessin animé du même nom dont vous parlez, effectivement, c'est le nom d'une des guildes parmi tant d'autres. Si voilà, c'est ça. Sûr. Donc on cherchait après qu'est-ce qu'on pourrait rapporter à la guilde, parce qu'on avait vu que sur Facebook, quand même, quand on marque la guilde, il y en a quand même toute une tripotée. Bah, c'est que surtout, quand on parle de guilde, on pense eh bien, à tous les jeux. Au voleur. Ouais, Assassin's Creed, les MMORPG, MMORPG du style voilà. Skyrim pour ceux qui connaissent bien, pour ceux qui connaissent moins bien Skyrim, il y a Warcraft, Assassin's Creed, hein, ouais. Warcraft. Alors MMORPG, rappelons tout de même, c'est Massive Multiplayer Online Role Playing Game, donc c'est-à-dire les jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs, donc c'est un phénomène au niveau des jeux vidéo dans lesquels donc effectivement chaque joueur peut rester tout seul dans son coin à faire des aventures, des missions, on va dire. Ou alors ils peuvent se regrouper donc en collectif, et en l'occurrence les collectifs s'appellent des guildes dans ces jeux vidéo. Là vous avez repris le terme, voilà. Et c'était, a priori c'est une bonne idée puisqu'on se retrouve un petit peu dans l'univers rien qu'en par l'utilisation de ce terme, voilà. c'est bien trouvé. Et donc notre ami Ditré de Renard nous avait dit comme quoi le mot qui serait bien avec la guilde, ça serait la passion. Donc on dit guilde, passion, ben pourquoi pas la guilde des passionnés, la LGDP. Et puis donc c'est resté comme ça. Voilà. On est donc, mais à l'heure d'aujourd'hui, on se fait appeler donc la LGDP, officiellement. Donc vous êtes un peu l'enfant illégitime, si j'ose dire, de la TCA, la Team Cosplay d'Avignon, qui n'est plus, comme vous l'avez précisé. Alors cosplay, c'est un terme qui ne parle pas forcément à tout le monde, on voit à peu près ce que c'est. Alors vous l'avez vaguement évoqué tout à l'heure, ça consiste en fait à se déguiser, entre guillemets, en tout cas à se costumer, comme des personnages, notamment de jeux vidéo japonais, mais de jeux vidéo ou de films d'animation japonais, les fameux mangas, les fameux animés. Mais pas forcément. Il y a aussi pas mal de séries télé ou de films comme ceux de Tim Burton, notamment, c'est bien qui ça. Se prêtent tout à fait. Tout ce qui est fantastique, même, tout ce qui est du médiéval fantastique, tout ce qui est fiction, voilà, se prête au sujet. Ah oui, on parlait de The Walking Dead tout à l'heure. The Walking Dead, qui est un grand classique, mais on a eu par exemple une personne qui s'était déguisée en Dr. Who. Qui est l'une, pourtant, qui n'a rien à voir avec les zombies ou ce genre de choses, mais qui est l'une des grandes séries connues à l'heure d'aujourd'hui. On a, par exemple, moi, personnellement, qui me fait appeler sur Internet Van Helsing, moi, qui est en train de monter, justement, un costume de ce fameux personnage Van Helsing tiré du film. Le bon chasseur de vampires et de zombies, oui, on me l'a déjà sorti, cette van, je sais pas combien de fois, d'ailleurs. Mais, il lit dans mes yeux le sacripant. Mais voilà, donc en fait c'est chacun a un personnage spécifique, par exemple Ditré c'est le renard, ça a toujours été comme ça depuis toujours. Ça lui vient nous ce bah, c'est qu'en fait si vous voulez... Quand il est roux, c'est un rouquin en fait. Non, même pas. Il est brun, mais quand il vient pour les cosplayer, il a sa queue et ses oreilles de renard qu'il a fait lui-même. Et son navigateur préféré, c'est Mozilla Firefox. Eh bien, non. Pas du tout. Il brouille les pistes, ce garçon. Ah oui. Mais il l'a sur le PC. Mais il l'a sur le PC, mais il l'utilise pas. Ouais. Non, il l'utilise pas. Il l'utilise pas. Je crois que c'est Google, non ? Ouais, c'est Chrome. Ouais, c'est Chrome. Ouais, il utilise Chrome. Il est fidèle. On va faire le tour. En tout cas, ouais, bah, Internet est une bonne chose puisque vous nous écoutez sur Internet, vous écoutez Osmose Radio sur Internet, les amis. On parlait donc de cette association, en tout cas ce collectif à partir duquel vous organisez la Zombie Walk. Vous avez aussi, c'est pas vous, mais c'était la TCA qui avait organisé notamment, je crois me souvenir, l'an dernier, un événement autour du cosplay, donc qu'on vient de définir. C'était au Rocher des Dons, je crois. C'est ça. Alors, l'ancien organisateur qui se prénomme Monsieur Caillot, donc qui était quand même un bon organisateur, mine de rien, avait fait quand même un bel événement qui est passé au journal, au sens propre du terme. Hein, on c'est a ça. Été pris en photo. Moi, d'ailleurs, c'était le tout premier événement auquel je participais. Mmh. Et je veux dire, voilà quoi. Donc, on avait bien rigolé. On avait rassemblé plus d'une 150aine de personnes, à peu près. À peu près, ouais. C'était, je veux dire, c'était quelque chose de beau et de joli à voir. Tout le monde était costumé, tout le monde avait son certain costume. Alors, on avait des Pikachu, on avait du Wakfu. Alors, Wakfu est un dessin animé aussi qui est surtout pas sur France 5 ou les chaînes d'enfants du genre Télétoon, Cartoon Network, ouais, ce genre ouais. de choses. On avait du Spider-Man, de l'Assassin's Creed, on avait Bleach, un des mangas japonais. On avait vraiment de tout. On a eu le Dr. Wo d'ailleurs qui est venu. On a eu trois Dr. Wo qui sont venus avec les petits instruments, la petite baguette, le petit costume. Tournevis Sonic. Oui, on a eu le petit Sonic, le bon vieux Mario. On a eu un petit frère d'une fille qui est venu en Mario. C'était assez marrant. Ben, vous avez deux enfants, vous me disiez tout à l'heure, ben, il y aura un Mario puis un petit Luigi, j'imagine. Pas du tout. Alors, moi, je l'ai dit, ma fille, pendant la période de. Donc, elle va être un petit manga qui est bien assez marrant, qui s'appelle Belzebub. C'est-à-dire, Belzebub, en fait, si vous voulez, c'est l'enfant du diable. Qui vient sur Terre. Ah oui, carrément. Oui, carrément. Qui vient sur Terre pour pouvoir apprendre un peu de la. Des humains, mais pour aussi détruire la Terre. Sauf qu'il sympathise avec un humain, et donc ça fait qu'on voit la personne qui a le bébé toujours sur l'épaule. C'est D'accord. assez marrant. Donc moi j'ai dit, je vais faire Belzebub avec ma fille, ça sera ça. Ouais. Mon fils, lui, adore en ce moment tout ce qui est capitaine et tout ça, donc je vais voir avec ma compagne, et c'est possible que je le mette donc, en personnage de Barbe Noire, qu'on voit dans Assassin's Creed 4, entre autres. Et ma femme, par contre, est plus sur l'un des personnages donc, de Fairy Tail, auquel elle va peut-être faire Erza Scarlet, l'un des personnages cultes de Fairy Tail. Fairy Tail, donc la fameuse série dont vous parliez tout à l'heure. Mais c'est ça. Et moi, j'ai été bien naïf de croire que la mode pirate des Caraïbes était terminée, manifestement, puisque le gamin adore les histoires de capitaine. Alors évidemment, vous ne serez pas les premiers parents ou jeunes parents à venir à ce genre d'événement avec vos gosses costumés comme vous. C'est pour ça, justement, je me permettais de vous poser la question. Alors, permettez-moi quand même de faire une réserve. Moi, je vois ce sujet du cosplay, ce phénomène de société, on peut dire, aussi marginal soit-il, avec bienveillance, parce que c'est des domaines culturels qui me touchent. Tout ce qui est films d'animation japonais, etc., ce sont des choses que j'ai beaucoup aimées, que j'aime encore beaucoup. Pour ce qui est des films fantastiques, notamment, c'est la même chose. Néanmoins, les contacts que j'ai pu avoir avec ce milieu étaient parfois un petit peu, je vais pas dire désagréables, mais j'ai pu émettre quelques réserves. J'ai eu notamment l'occasion d'aller à la Japanime, notamment pendant quelques années, qui était organisée par des passionnés comme vous. Anime, c'était un gros truc, un gros événement. Ils avaient fait vraiment très fort. C'était très très bien organisé. C'est pas la question. C'était vraiment bien. Bon, pour des raisons financières, ils ont pas pu continuer l'an dernier ni cette année. Mm-hmm. Quoi qu'il en soit. J'ai pu rencontrer et parler avec des cosplayers. Et là, je suis un petit peu tombé des nues parce que s'il y en a qui sont adorables, il y a aussi de sales cons qui se prennent au sérieux à partir du moment où ils sont déguisés comme dans le jeu vidéo Halo, etc. Et en fait, excusez-moi, c'est justement pour ça que je me fais un petit peu de soucis par rapport à l'événement que vous organisez. Il y a toujours, même quand c'est un flingue en plastique, il y a toujours des gens qui, pour lesquels ça génère de l'agressivité et qui ont des comportements un petit peu, même si on sait très bien qu'ils ne vont faire de mal avec personne avec leur bout de plastique, qui ont toujours des comportements un petit peu agressifs. C'est pas très agréable pour ceux qui les entourent. Ah oui, non, mais ça, on est tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, nous, la LGDP a une règle, une seule et une unique règle, c'est le respect de chacun. Nous, ce qui est. Donc, moi, personnellement, je ne m'en cache jamais. D'ailleurs, ils le savent tous. Tous ceux qui rentrent le savent. Ils ont qu'à lire le règlement pour ceux qui ne le savent pas. Moi, je le précise après parce que c'est moi. Et comme j'ai dit, j'ai peur de personne. Le premier, lors de la Zombie Walk, qui fait un pas de travers, c'est deux baffes dans sa tronche et il dégage. Moi, je veux faire quelque chose de bien, quelque chose de propre pour pouvoir être bien vu par tout le monde. c'est pas pour que derrière on a, excusez-moi du terme, mais des fouteurs de merde. C'est pas du tout le principe. Après, c'est vrai que on rencontre des cons, comme vous dites, sur les cosplayers, parce que ils ont leur abus d'eux-mêmes par rapport au cosplay. Ouais, moi mon cosplay il est bien, il est magnifique, machin. J'ai mis des millions. Oui, mais on n'est pas tous au même tarif. On vit pas tous chez papa maman. Moi personnellement, je le dis sans me cacher, j'ai acheté il y a pas si longtemps que ça une veste Assassin's Creed. Ça vaut 40 €, c'est vrai. Mais moi en ayant femme, enfant et loyer derrière, 40 €, c'est un budget. Donc ce qu'il y a de bien sur la LGDP, c'est qu'on évite ce genre de choses. Il y a des gens qui ont très peu et qui peuvent pas faire grand chose et pourtant qui ont des cosplays magnifiques. Et il y a des gens qui peuvent faire beaucoup et qui nous sortent de belles-mères. C'est ouais. Sérieusement. Et je pense que mon ami Alex ne pourra pas dire le contraire. Ah, ça. J'ai été témoin. Assassin's Creed, qui était un magnifique jeu vidéo, qui avait fait un très très beau succès. Et oui, effectivement, il y a des. Le budget est conséquent quand on veut avoir un beau costume, c'est clair. Conséquent, mais aussi en part du budget global, je vous ai bien compris. C'est aussi parce que c'est une première que je me permets de vous poser la question, sachant que l'administration, si ça dérape, vous mettra forcément la pression pour un événement comme ça. Ça, après, c'est l'administration, ce qui est tout à fait normal. Mais comme j'ai dit, si on respecte l'art et la manière de faire, je ne vois pas pourquoi l'État viendrait nous embêter, en sachant que derrière, l'État devrait réfléchir deux secondes, parce qu'un rassemblement de jeunes qui s'organise pour une première... Allez, franchement, je vous le dis sans mentir, on ne s'attend pas à être 150 personnes. Pour une première en Zombie Walk, on s'attend à être une 60aine, 80 personnes maximum. Vous avez combien d'inscrits sur l'événement Facebook, sachant qu'il faut s'attendre à 20% en plus ou... Ben, écoutez, on a déjà 90 personnes inscrites, mais dans les sûres, à chaque fois, et c'est ce qui nous arrive assez souvent, donc... On ne blâme personne, les imprévus, ça arrive toujours. Donc, sur 90 personnes qui vont venir, eh ben, il va y en arriver des fois 30 ou 40 qui ne vont pas venir. Et pourtant, ils ont dit, on est sûr de venir. Donc, c'est pour ça que nous, on a dit qu'on ne s'attend pas à grand monde pour une première. Mais que si, franchement, ça se passe très, très bien pour la première, eh ben, on remettra ça l'année prochaine. Sauf que, à la différence, c'est qu'au lieu de s'y prendre aussi tard, parce qu'on s'y est quand même appris assez tard, il faut dire la vérité. On a quand même eu pas mal de problèmes, moi et la santé, entre autres. Donc, on s'y prendra à partir de janvier. La différence, c'est que si au mois de novembre, donc je vous le dis sérieusement, si le 1er novembre, pas irréprochable, parce qu'il y a toujours des dérapages, attention, mais si ça se passe très bien lors du 1er novembre de cette année, eh bien, pour l'événement de l'année prochaine, on visera encore plus grand et on commencera les préparations dès le mois de janvier. Non, c'est vrai que pour ma part, hein, je vous l'avoue, j'ai découvert l'événement vraiment par hasard sur Facebook par rapport à l'événement que vous avez publié. C'est un heureux hasard en ce qui me concerne, j'aurais aussi bien pu le louper. Donc je fais mon possible pour le relayer à la radio. Effectivement, vous êtes pas mal bougé le cul, mais c'est vrai que vous le reconnaissez vous-même, vous n'avez pas fait beaucoup de promos, au moins pour cette première édition, mais à mon avis, le bouche à oreille va fonctionner. Ouais. On a fait beaucoup de bouche à oreille quand même, grâce à Demetra, qui est l'une des organisatrices, qui ne l'est plus à l'heure actuelle, pour quelques problèmes de santé, nous a fait quand même pas mal de promos sur Avenue 84, les petits groupes de Facebook, Alex. Et c'est surtout que, avant tout, comme on disait, voilà, c'est un collectif, un rassemblement entre des amis, des connaissances, et on a fait donc le bouche à oreille, bien de nos amis à leurs amis, voilà. Donc avant tout. On parle beaucoup des réseaux sociaux, voilà. Mais les réseaux de copains, c'est quand même. Les réseaux de copains, voilà. Ça marche le mieux. C'est les choses qui marchent le mieux. Sur ce point-là, voilà. Par contre, alors là, j'aborde le sujet qui fâche un petit peu au niveau de l'argent. Si votre communication a été assez limitée, je dis pas ça pour vous tacler du tout, mais je n'ai vu aucun fly par exemple ou aucune affiche dans Avignon. Alors, par rapport à votre événement, vous n'avez pas pu en imprimer. Pour l'instant, on n'a pas pu en imprimer. Il faut être franc, on n'a pas pu pour l'instant, on s'est quand même du fait que moi, donc comme je disais, j'ai eu des problèmes de santé, je n'ai pas pu être là tout le temps. Donc malheureusement, j'ai laissé sur la Zombie Walk sur les épaules de mon ami Alex ici présent et de mon ami Distrait le Renard. Auquel il faut dire franchement, ils ont failli péter les plombs et de tout lâcher à plusieurs reprises. Donc quand je me sentais à peu près bien, je venais, je leur disais, écoutez les gars, vous faites du bon travail, continuez. Dès que je me sens mieux, j'arrive. Et là, depuis deux semaines que j'ai pu reprendre un peu, on a quand même, en deux semaines, on a quand même très très bien avancé. Ouais. On a pu faire le flyer, mais on doit voir courant la semaine. Après, évidemment, le flyer, c'est pour toute l'équipe, tous les membres. Voilà, si tu te souviens... Voilà, ah, d'accord. Dans un premier temps, c'est une édition limitée. Ça deviendra collector et ils vous le vendront pour les yeux de la tête. C'est ça. Sur eBay. Non, c'est surtout qu'en fait, si vous voulez, donc nous on s'est renseigné envers la loi. Si on met des flyers, c'est parce qu'automatiquement derrière il y a le système d'association et tout ça. Ouais. Mais comme nous ne sommes pas vers la loi 9, nous sommes pas régis à la loi 911, je crois que c'est 1901. La loi de 1901. Ouais. Merci. Vous n'avez pas de statut, donc on n'a pas de permis de faire ce genre de choses. En parler pour faire ce genre de choses. Voilà. Maintenant, on est toujours. Alors, comme on m'a déjà demandé, on a déjà demandé à mes amis, savoir si la police, si la mairie, si certains magasins sont au courant. Alors, oui, sur les trois, je réponds oui. La police est au courant. Ils ont dit qu'on avait quand même un très bon dossier. La mairie sont les premiers à être au courant. Les magasins, quand moi je promène ou quand Alex ou même à trois qu'on y va pour prévenir les magasins, ils sont au courant. Certains magasins savent et attendaient même depuis longtemps la Zombie Walk, entre autres des magasins de jeux vidéo comme Planète Jeux, qui est un magasin qui se trouve à la Rue Carretterie, NES Game, qui est un magasin qui se trouve à côté de la Place Pi, auquel la rue m'échappe encore, un magasin de livres de manga et de jeux de cartes qui s'appelle Comic Book aussi attendait ce petit événement qui lui se trouve à la Place Pi d'ailleurs. Tous les endroits où on trouve les geeks, quoi, les... Ouais, voilà. Approximatif, oui. Bah après, voilà, comme les coins sombres et obscurs, comme dit Morticia Adams. Voilà, ça. Comme je disais tout à l'heure, ça ne m'étonnerait qu'en sachant qu'on sera quand même 80 personnes, je dis bien 80 personnes maximum, et encore, franchement, s'il y a plus, eh ben, je remercie le ciel. Ça m'étonnerait que l'État vienne nous embêter si on ne fait pas de dérapage, en sachant que derrière, ils ont un bénéfice. Parce que mine de rien, les costumes... je veux dire, même en plein mois de novembre, on est quand même assez chaud. Donc, passer dans un magasin 80-100 personnes pour acheter une bouteille d'eau par-ci par-là, je vous promets qu'ils seront contents. D'accord. Mais en fait, vous avez quasiment répondu à ma prochaine question, puisqu'effectivement, je voulais savoir les rendez-vous, les relations avec la police municipale, avec l'administration, avec la mairie, sachant que, bon, ben, comme vous y êtes pris assez tard, vous le reconnaissez vous-même pour l'organisation, c'est tout à l'honneur de l'équipe municipale, si ça se passe bien aussi avec vous, je suppose. Oui, il ne s'agit pas tant d'une analyse, mais comment vous l'avez ressenti quand vous êtes adressé à l'administration, à la municipalité, pour dire voilà, on va faire une marche des zombies. Est-ce qu'on vous a pas pris pour des fous? En fait, c'est ça que j'ai envie de savoir. Alors la première fois qu'on y est allé, il faut dire que on nous a pris un peu pour des attardés mentaux, pour des psychopathes, tout ce que vous voulez. Les gens nous ont quand même regardé d'un œil assez bizarre. Mais rassurez-vous, on est entre nous ce soir. Je vous juge pas. Donc nous y sommes retournés. Et c'est là où on nous a dit, oui, bah écoutez, pourquoi, ça serait pas mal. Donc ils nous ont donné quelques débouchures pour pouvoir faire quelque chose de bien, de propre. La police, eux, étaient pas trop d'accord sur le coup. Mais bon, on a quand même bien précisé à la police qu'on faisait quelque chose dans les règles, que s'il faut, on avait signé carrément toute une... On avait signé le règlement avec nos prénoms, disant comme quoi on assumait ce que nous faisions de nos actes et que chaque personne était indépendante de leurs actes. Comme ça, pour montrer que si la personne fait une bêtise, elle pourra pas dire c'est la LGDP. Non, non, tu fais une bêtise, c'est ta faute. Parce qu'il y a des gros problèmes de responsabilité civile et c'est un petit peu l'objet de ma prochaine question. D'ailleurs, c'est un des aspects que vous soulignez dans votre page Facebook. Vous organisez aussi des événements autour de l'airsoft. Alors, définissez-moi ce qu'est l'airsoft, s'il vous plaît. L'airsoft, en fait, si vous voulez, alors pour moi, c'est un peu vague parce que je n'en fais pas, je n'en pratique pas. Mais j'ai quelques amis qui en pratiquent, donc le peu que je connais, je vais vous le dire. Si vous voulez, c'est des rassemblements de personnes qui ont des combinaisons comme pour l'armée, donc gilets tactiques, rangers, treillis, masques quand même, parce que c'est quand même avec des répliques d'armes. Mais des armes qui tirent des billes de peinture, c'est bien ça? Alors ça, c'est le paintball. Ça n'a rien d'accord, à voir. D'accord, je fais une confusion, d'accord. Voilà. Le paintball, ce sont des armes qui tirent des billes de peinture. L'airsoft, ce sont des armes qui tirent des billes plastiques. D'accord. À une très forte puissance. Donc ils peuvent potentiellement faire, peut-être pas tuer, mais faire mal, quoi. Non, ça tue pas, à excepter si vous visez dans l'œil, mais bon, faut y arriver. Non, mais on a toutes les bavures autour du flashball, donc oui, on entend régulièrement parler. Oui, on a toutes les bavures, c'est mais non. Alors, comme nous, on a dit, moi, personnellement, j'autorise les armes d'airsoft à une seule condition. La condition, c'est que ça ne soit qu'une réplique qui n'ait ni gaz, ni chargeur. D'accord. Parce qu'une arme d'airsoft, même sans chargeur, il y a le gaz. Un gaz à bout portant, ça peut faire mal. Donc, ni gaz, ni chargeur, pour la bonne et simple raison... c'est qu'une fois qu'elle est vide, il n'y a pas de problème. on n'aura pas de « oui, mais il m'a blessé avec son arme ». C'est impossible. Pour résumer, on pourra poser avec éventuellement un flingue en plastique qui potentiellement donc, peut avoir un chargeur, etc., à condition qu'il ne soit pas armé, disons. C'est ça. Il ne faut pas qu'il soit... L'arme est armée, il n'a pas le droit de s'en servir. Il doit rentrer chez lui. Il dégage, voilà. Dégager. En gros, c'est ça. Voilà. La personne vient avec une arme en métal. Si elle a un fourreau, donc je parle arme blanche, parce que ça peut arriver, vous savez, pour les zombies, on a toujours les petits couteaux, les machins ou quoi. S'il y a un fourreau, l'arme doit rester dans le fourreau. Il peut la sortir que si il fait ce qu'on appelle un shooting photo. Donc un shooting photo. Ah oui, d'accord, donc il prend la pause finalement. Voilà, pour prendre une pause, mais il n'a pas le droit de s'en servir. D'accord. En fait, c'est juste utilisé comme un objet de décoration. Voilà, pour. Pour faire le cake, on peut le dire. Voilà, si vous voulez, pour faire le cake. Bien sûr, les personnes qui ont des armes d'airsoft, donc je parle d'un ami qui s'est vraiment investi. Qui s'appelle, qu'on a surnommé Yunara, qui s'est vraiment investi là-dedans, qui a créé une armure d'airsoft, mais exprès pour être un survivant de l'armée, de la tête aux pieds. Il a fait le casque, les Rangers, le treillis, le gilet et son arme. Et d'ailleurs, lui qui prend la Zombie Walk très à cœur, m'a dit ben, ce qu'on peut faire, d'ailleurs, parce que nous, on reçoit un peu d'idées de tout le monde, on prend un peu de partout, ce qui est bien. Il m'a dit ce qu'on devrait faire, c'est que les armes, on les vérifie de A à Z. Moi, ne connaissant pas très bien les armes d'airsoft, donc je vais me référencer à Yunara. D'accord, Yunara et moi, on va vérifier toutes les armes d'airsoft de A à Z, sans gaz, sans rien. Il n'y a que le gaz, eh ben, on videra le gaz devant la personne. Elle pourra râler parce que le gaz, ça coûte cher d'une arme d'airsoft. Mais le règlement, c'est le règlement. Et puis, s'il n'est pas content, il rentre chez lui. Et peu importe, même s'il est fait 40-50 bornes. Pour conclure sur le sujet, voilà. Ouais, il faut être extrêmement rigoureux là-dessus parce que déjà ça engage votre responsabilité. Quand je parlais de toutes les histoires de responsabilité civile, et notamment, évidemment, je me doute, et ce qui est une bonne chose d'ailleurs, que la police municipale viendra contrôler vos faits et gestes le jour même, et ce sera sans doute une bonne chose, espérant qu'il n'y ait pas des fouteurs de merde et que le cas échéant, vous réussissiez sans trop de difficulté à les renvoyer jouer chez eux avec leur réplique et qu'ils se contempler dans le miroir. Écoutez, quelqu'un quelqu'un à qui on doit tout en matière de mise en scène de zombies, c'est George Romero, le maître du film de zombies, même si évidemment ses idées et son esthétique a été reprise dans tant d'univers différents. Je pense, on parlait tout à l'heure de la série The Walking Dead, qui fait un carton donc à la télévision, mais il y en a d'autres. Mmh. Et donc, George Romero est à l'origine de ces films de zombies, de cet aspect du film de genre. Et moi, je vous propose d'écouter la bande originale d'un de ces films de zombies qui était sorti en 1978, Dawn of the Dead, l'aube des morts vivants. Et je vous propose d'écouter un titre composé par le groupe italien Goblin, Zombie. Ces sons de synthé ont vieilli, oui certes, je vous l'accorde les amis, mais c'est la bande originale d'un film qui aura beaucoup compté pour les amateurs de cinéma de genre, j'en suis sûr. C'était Dawn of the Dead de George Romero, qui avait été distribué en France sous le titre de Zombie, l'aube des morts vivants. Et c'était le groupe italien Goblin, un groupe de rock progressif des années 70, qui avait fait pas mal de choses intéressantes, et notamment les bandes originales des films de Dario Argento et, chemin faisant, aussi de George Romero, qui lui est américain, et qui donc les avait débauchés pour faire la musique de ce film-là, ce film de zombies qui est resté un canon, un modèle du genre. De retour dans l'heure du loup sur Osmose Radio, les amis. Si vous nous rejoignez un instant, je suis toujours en présence d'Alex et de Loïc qui organisent la Zombie Walk le 1er novembre à Avignon. Pour cet événement, ils parlaient d'un hommage à George Romero, un cinéaste qui a sans doute aussi compté pour vous comme pour la plupart des amateurs de films de zombies. Alors oui, quand même, on doit dire que George Romero a compté énormément pour nous. D'ailleurs, moi, l'un des premiers que j'ai regardé, ça a été le fameux film de zombies, La Marche des Morts Vivants. Tiens, d'ailleurs, oui, faisons un tour de table. Votre film préféré, donc, La Marche des Morts Vivants, sans hésiter. Et vous, Alexandre? Land of the Dead. Land of the Dead, donc, qui était sorti en 2005, c'est celui avec Dennis Hopper, notamment, et le gars qui joue dans The Mentalist. Oui, oui. J'ai plus son nom. Qui était très beau, mais personnellement, je reste personnellement sur La Marche des Morts Vivants. Quoi, pour moi, c'est un grand classique. Après, je trouve que c'est grâce à George Romero aussi, à l'heure d'aujourd'hui, on a tout ce qu'on a sur les zombies, quoi. Ah, mais clairement. Et d'ailleurs, vous le précisez sur Facebook, mais je crois que c'est une notoriété publique. Des jeux vidéo comme Resident Evil, qui est un jeu vidéo dans lequel justement on est paumé dans une ville ou contaminé par les zombies et on doit faire son chemin. Enfin, c'est ce qu'on appelle un survival horror. C'est-à-dire qu'on est coincé au milieu des zombies et il faut survivre, tout simplement. Et il y a des tas de plans de ce jeu vidéo-là qui s'inspirent du film La Nuit des Morts Vivants. C'est bien ça. Après, il n'y a pas que ce film-là, par exemple, vous prenez, enfin, je parle de que ce jeu-là plutôt. Vous prenez Resident Evil, qui est un grand classique, mais vous avez aussi Dead Island, qui est quand même un bon survival horror, auquel j'ai eu l'occasion de jouer, auquel on arrive paumé sur une île déserte et on n'a que quelques survivants avec nous. On part de rien, on doit monter des armes, on doit faire attention. C'est une île vraiment infestée de zombies. C'est vraiment le survival horror à l'état pur. Hein. Autant sur Resident Evil, on arrive. On est l'un des grands classiques, par exemple le Resident Evil 3 ou 4, auquel on arrive, on a un petit revolver qui sert à rien, mais avec déjà deux chargeurs en main. Là, non, on part, on n'a rien du tout. On est à main nue, donc on est obligé de donner coup de poing dans les zombies ou de prendre un morceau de planche pour taper le zombie. Ça fait penser à ce film japonais avec Takeshi Kitano, là, où tous les losers, tous les délinquants sont envoyés sur une île déserte. Vous vous souvenez pas? Ah là là. Si, mais on a le titre sur le bout de la langue et on le retrouvera pas avant la fin de l'émission. Des films de zombies que au bout d'un moment on arrivait à se mélanger un peu tous. Disons que voilà, les cinémas de genre se recoupent, hein, cinéma d'horreur japonais ou bien films de zombies américains. Et donc vous parliez d'un hommage à George Romero. Alors ça va se matérialiser comment pendant la Zombie Walk? Justement, si on crée la Zombie Walk, nous c'est pour Avignon. Pour créer un gros événement, pourquoi petit, plutôt un gros événement sur Avignon, quand même, quelque chose de beau. Et en même temps, on a voulu qu'il y ait des zombies pour l'hommage, justement, à George Romero. Maintenant, passe un temps, on voulait créer un petit jeu on a dit que malheureusement, on ne fera pas, étant donné qu'on ne soit pas sous la loi régie des associations. Mais. On voulait créer un petit jeu de chasseurs chassés. Un jeu de piste, voilà, d'accord. Ouais. Un petit jeu de chasseurs chassés, c'est-à-dire une lâchée de zombies sur Avignon, pendant que les survivants, pourtant c'est un jeu tout à fait banal, vous allez me dire, les survivants partent d'un point A pour arriver à un point B, sans pour autant qu'ils se fassent attraper par le zombie. Alors, c'est sûr, on va me dire, oui, mais comment reconnaître d'un survivant et un civil classique? Alors, on avait déjà tout prévu. On avait prévu un bon petit foulard sur le bras pour pouvoir reconnaître le fameux survivant. J'imagine trop les mamies qui descendent à la boucherie, qui se font agresser par des chasseurs de zombies. Vous allez avoir des emmerdes, les gars. Les embrouilles, on a décidé de faire juste un rassemblement. Un petit rassemblement. Vous avez mis la poussière sous le tapis, vous avez décalé les emmerdements à l'année prochaine, oui. C'est ça. Non, je vous charrie, mais effectivement, c'est compliqué à organiser, mais ce serait super marrant à faire. Eh bien écoutez, on en reparlera l'année prochaine, j'en suis sûr. Pour le moment, effectivement, le fait qu'il existe une Zombie Walk, alors c'est pas une nouveauté, ceci étant, c'est une nouveauté sur Avignon évidemment, et c'est tout à votre honneur de le faire, mais c'est quelque chose qu'on a déjà vu à Chicago, à Paris, plus près de nous, à Marseille, depuis quelques années. À Nîmes. À Nîmes, notamment. Nos amis de Nîmes ont organisé depuis 2 ou 3 ans, je crois. Et donc, la sur Avignon, bon, ça a capoté l'année dernière. Cette année, ça va se matérialiser. Je vous souhaite que ça fonctionne. Je me le souhaite aussi, d'ailleurs, parce que j'ai bien envie d'aller y faire un petit tour. Et par contre, alors, quelque chose qui m'intrigue, c'est votre itinéraire en ville. Vous avez été obligé de déposer un itinéraire, j'imagine. Alors, oui, Maïf, alors. Oui. Donc nous on a dit que vu qu'on passera pour démarrer pour une première, ce qu'on fera plus partir à l'après-midi. Je rappelle que ce sera le samedi 1er novembre. C'est ça, férié, samedi 1er novembre. Centre-ville donc, sera piéton de toute manière. C'est ça. C'est peinard, ouais. Au moins on sera pas embêté. Donc ça serait rassemblement à 14h devant la gare SNCF. Donc déjà il va y avoir des têtes qui vont rigoler. Grand classique. Et puis à 14h30, histoire d'attendre un peu les retardataires, partir monter la rue de la République. Arriver donc au niveau de la place de l'horloge, partir en direction, je crois que c'est... Du Rocher des Dons. Non, on n'avait pas dit qu'on passait par les magasins de jeux vidéo d'abord. Non. C'était... Ouais, c'était ça. C'était direction... Ah, génial, les mecs, ils sont plus d'accord. Non, c'est qu'en fait, si vous voulez, là, hier, j'ai pas pu être là pour la fin de l'organisation, voilà. Donc mais je vais essayer Alex. Voilà. Bah, en fait, allez-y, c'est... dites-nous comment ça va s'organiser finalement. Eh bien, déjà, le rassemblement va se faire donc au Rocher des Dons. Voilà. Donc au Rocher des Dons. À partir de quelle heure? Alors, comme a dit mon collègue, c'est bien 14h. Voilà. Oula. Donc 14h au Rocher des Dons. Voilà. Parce que le problème, c'est que si on fait. Après tu peux évidemment me contredire. Alors le problème, c'est que si on fait 14h gare SNCF, que tout le monde remonte la rue, voilà, on peut évidemment tomber sur des passants qui. Voilà, qui vont pas comprendre. Finalement, ce qui voilà, c'est vrai que moi aussi j'avais pensé à cet itinéraire-là parce que c'est le plus logique, notamment pour tout ce qui est manif de oui, cheminots, voilà. Manif et comme, des voilà, lycéens, etc. Comme on n'est pas voilà, comme on n'est pas politisé, voilà, c'est sous la loi 1901, qu'on est avant tout un collectif, et un rassemblement d'amis et collègues, voilà, passionnés par la culture populaire. Donc voilà, donc c'est pour ça que... Alors, pour résumer, si je vous ai bien compris, vous rassemblez à 14h au Rocher des Dons et ensuite vous vous diffusez en ville, dans les magasins, etc. Comme ça a été c'est dit tout à l'heure. Voilà. En passant par surtout les magasins de jeux vidéo et de manga qui sont quand même assez cultes sur Avignon. Qui sont plus ou moins partenaires, disons. Oui, plus ou moins. On ne va pas les répéter, mais vous les avez cités tout à l'heure. Est-ce que l'événement se termine vers quelle heure? Alors après, voilà, l'événement se terminera quand il se terminera. On n'a pas d'heure précise, on ne peut pas dire bon, ben, à 6h, c'est tout le monde s'en va. Parce qu'autant, ben, justement, il y en a qui vont vouloir promener encore, faire un rassemblement à partir de 7h, 8h. On n'a pas d'heure précise. Les gens pourront partir à l'heure où ils veulent, parce qu'il y en a qui doivent rentrer avant. Vous comprenez, il n'y a pas tout le monde qui a la voiture. Donc il y a les trains, les bus. Mais moi, personnellement, je sais que Alex et moi, vers les coups des 7h30, 8h, gros maximum, on sera partis. D'accord. Donc ça se termine à partir de 7h30, 8h chez Loïc et Alexandre. Alors ensuite, non mais je vous charrie, faites pas la gueule. Allez, il nous reste quelques minutes, donc on va conclure. Le temps passe vite à parler de sujets intéressants avec vous, messieurs. Oui, un truc qui m'intrigue aussi, si vous faites un pique-nique, sachant que les zombies mangent du cerveau, est-ce que vous proposerez des sandwichs au pâté de tête? Ah, ça c'est une solution, mais j'ai préféré moi plutôt faire la petite surprise, donc ça va, les zombies ne m'entendent pas tous. Bon, pour certains, chut, faut garder le secret. C'est ramener des beaux petits cerveaux de chevreuil bien, bien dégoulinants. Comme ça, ils nous foutent la paix. Ils ne mangent pas. Ils mangent pas les petits-enfants parce qu'on a 2-3 sadiques qui sont prêts à manger les petits-enfants. Non, mais de toute façon, sur tous les confiseurs font des bonbons originaux pour Halloween. Oui. Donc, à mon avis, vos collègues zombies auront largement de quoi se fournir dans les boutiques ce samedi 1er novembre, où donc on vous retrouvera, messieurs, vous et tous les zombies qui vous accompagneront pour la marche des morts-vivants, la Zombie Walk, samedi 1er novembre à Avignon. Merci de nous avoir rejoints dans le studio pour parler de cet événement. C'est vraiment sympa de l'organiser. Je vous souhaite que ça se passe bien. Merci à vous de nous avoir accueillis, surtout. Et puis, on va se quitter. Alors, tout à l'heure, on parlait de The Walking Dead, donc, qui est une des références pour tout ce qui est film de zombies. En l'occurrence, c'est une série télé qui a eu beaucoup de succès. Et notamment, la musique était assez intéressante. Et elle a été reprise par Sonia Belousova, une musicienne dont j'ai eu l'occasion de vous parler il n'y a pas si longtemps que ça, qui, avec son projet Cosplay Piano, reprend des thèmes musicaux de films fantastiques, de séries télé. Alors, il y a Game of Thrones qui est passé. Moi-même, je vous ai passé le thème de Batman il y a quelques émissions, et le podcast est toujours en ligne si le cœur vous en dit, hein, facebook.com/l'heure du loup. Et ce soir, je vous propose, eh bien, pour rejoindre le thème et pour conclure là-dessus, je vous propose le thème de The Walking Dead qui a été repris au piano par Sonia Belousova. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci Loïc, merci Alexandre d'être venu. Merci à vous. Et je vous donne rendez-vous le samedi 1er novembre dans les rues d'Avignon pour vous faire bouffer le cerveau.